Chapitre 130. Les rêves et ce qui s'y rattache. Allah Ta'ala dit: Et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour. Sourate 30, verset 23. 838. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: Il ne reste de la prophétie que les bonnes nouvelles. Les compagnons demandèrent: Que sont les bonnes nouvelles? Il répondit: Les beaux rêves prémonitoires. Al-Bukhari. 839. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: À l'approche de la fin du monde, les rêves des croyants ne mentiront pratiquement jamais. Les rêves des croyants représentent un 46e de la prophétie. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Ceux dont les rêves seront les plus véridiques seront ceux qui seront les plus sincères dans leurs paroles. 840. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Celui qui me voit en rêve me verra dans la réalité, ou c'est comme s'il m'avait vu en étant éveillé, car Satan ne peut prendre ma forme. Al-Bukhari et Muslim. 841. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire: Que celui parmi vous qui fait un beau rêve sache qu'il vient d'Allah Ta'ala. Qu'il loue donc Allah pour ce rêve et qu'il le raconte aux autres. Dans une autre version, qu'il ne le raconte qu'à ceux qu'il aime. Et s'il fait un mauvais rêve, qu'il sache que cela provient de Satan. Qu'il cherche donc refuge auprès d'Allah contre le mal qu'il y a vu et qu'il ne le raconte à personne, il n'aura ainsi aucun effet néfaste sur lui. Al-Bukhari et Muslim. 842. D'après Abu Qatada, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Les beaux rêves viennent d'Allah, et les mauvais rêves de Satan. Que celui donc qui a fait un mauvais rêve souffle sur sa gauche trois fois, et qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le mauvais rêve n'aura ainsi aucun effet néfaste sur lui. Al-Bukhari et Muslim. 843. D'après Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Lorsque l'un d'entre vous fait un mauvais rêve, qu'il crachote sans rien expulser de la bouche trois fois sur sa gauche, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre Satan à trois reprises, et qu'il se tourne de l'autre côté. Muslim. 844. Selon Abu al-Asqa', Wathila ibn al-Asqa', radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Sa tribu est un père autre que le sien. Prétendre avoir vu en rêve ce que l'on n'a pas vu, ou attribuer au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, des paroles qu'il n'a pas dites, font partie des pires mensonges. Al-Bukhari